Bien. Alors, nous avons vu que faire du ski se traduit to go skiing, faire du camping, to go camping, etc. Alors, dans ces cas-là, faire est traduit par to go. Mais il y a d'autres expressions dans lesquelles faire est traduit par un autre verbe, par exemple to be. Alors, parlons du temps qu'il fait, hein, sujet de prédilection au Royaume-Uni. Alors, vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas que si vous voulez dire il fait chaud aujourd'hui en anglais, il vous faudra dire It is hot today. Littéralement, il est chaud aujourd'hui. Et le contraire de hot, c'est cold, COLD. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant me dire il fait froid aujourd'hui? It is cold today. It is ou it's cold today, oui. Et si vous voulez parler d'hier plutôt que d'aujourd'hui, le mot pour hier est Yesterday. yesterday, bien sûr, comme le titre de la chanson. Alors, sachant que pleuvoir se dit to rain, R-A-I-N, et ensoleillé se traduit par sunny, S-U-N-Y, comment dira-t-on il a plu hier, mais demain sera ensoleillé? It rained yesterday, but tomorrow will be sunny. It rained yesterday, but tomorrow will be sunny. Et si vous voulez dire il fera beau, vous pouvez dire The weather will be beautiful. Littéralement, le temps sera beau. Beautiful s'écrit Beautiful. Donc on retrouve le Beau de beau, mais prononcé différemment. Et pour demander quel temps fera-t-il, on dit en anglais What will the weather be like? C'est-à-dire à quoi ressemblera le temps. Et la réponse peut être nuageux, cloudy, CLOUDY, ou ensoleillé, qui encore une fois se dit Sunny. sunny, oui. Ou bien le temps peut être venteux, windy, WINDY. Bien, alors comment direz-vous je pense qu'il va faire du soleil, mais il y aura du vent. En anglais, on dira je pense que ce sera ensoleillé, mais venteux. I think it will be sunny, but windy. I think it will be, ou that it will be sunny, but windy. Vous voilà qui faites des prévisions météo qu'on appelle weather forecast en anglais. Forecast. Alors imaginons que le temps change. Comment direz-vous, je pense qu'il va faire froid et que le ciel sera nuageux. En anglais, on dira tout simplement que ça sera froid et nuageux. I think it will be cold and cloudy. I think it will be cold and cloudy. Soleil se dit sun, S-U-N, d'où l'on obtient sunny, ensoleillé. Alors, en vous appuyant sur la même transformation, comment direz-vous un nuage, sachant que nuageux se dit cloudy? A cloud. A cloud, oui. Et si pluvieux se dit rainy, quel sera le mot pour dire la pluie? The rain. The rain, right. Alors, c'est un mot à bien connaître, hein, surtout quand on visite la pluvieuse Angleterre. Bien, alors, comment direz-vous? Il pleut souvent, alors prenez un parapluie. Alors, commençons par le début de la phrase. Il pleut souvent, mot à mot, il souvent pleut. It often rains. It often rains, oui. Alors prenez un parapluie. Le mot pour parapluie est umbrella. UMBRE2LA. Pensez à ombrelle, hein. Mais attention, umbrella s'écrit avec un U initial. Donc, quand vous dites prenez un parapluie, vous donnez un ordre, n'est-ce pas? Eh bien, pour donner un ordre en anglais, on emploie tout simplement le verbe nu, c'est-à-dire sans to. Alors, encore une fois, il pleut souvent, alors prenez un parapluie. It often rains, so take an umbrella. It often rains, so take an umbrella. Oui, c'est un bon conseil, je dirais. Alors, avez-vous pensé à employer un et non « a » devant « umbrella ». Si ce n'est pas le cas, nous reviendrons de toute façon là-dessus dans la dernière partie de cette méthode. Et si vous voulez dire « il pleut », mais en d'autres termes, « il est en train de pleuvoir », prenez un parapluie. Qu'est-ce que ça donnera ? It is raining. Take an umbrella. It is raining, ou bien it's raining. Take an umbrella. Donc ici, on a employé la forme en ing. Ici, raining, précédé du verbe être, pour parler de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il pleut. Alors, avez-vous remarqué qu'on retrouve toujours la même transformation quand on passe de cloudy à cloud, de sunny à sun, de rainy à rain? En suivant le même schéma, comment direz-vous « il y a beaucoup de neige sur la route » sachant que « route » se dit « road », R-O-A-D, et « neigeux » se dit « snowy ». There is a lot of snow on the road. There is, ou bien « there's a lot of snow », S-N-O-W, on the road. Alors soyez vigilants au volant. Et ce ne sont pas seulement les mots qui concernent la météo qui se comportent ainsi, il y en a bien d'autres. Par exemple, le mot pour bruit est noise, N-O-I-S-E. Alors, s'il y a trop de bruit, vous pouvez dire « there is too much noise », il y a trop de bruit. Ou bien « c'est très bruyant », it is very noisy. It is very noisy, oui, c'est très bruyant. Et si la saleté se dit « dirt », D-I-R-T, et la boue se dit « mud », M-U-D, comment direz-vous « la route est sale et boueuse » The road is dirty and muddy. The road is dirty and muddy. Et si vous voulez savoir comment écrire ces mots en Y, sachez que si le mot dont il est dérivé est court, d'une syllabe, et finit en S ou D, alors l'adjectif correspondant prendra un double S ou un double D, comme c'est le cas de muddy, M-U, 2-D-Y. Et si le nom de départ finit en E, ce E sera remplacé par un Y dans l'adjectif, comme c'était le cas par exemple avec noise qui donnait noisy. Alors, si une pièce se dit room, R-2-O-M, la poussière se dit dust, D-U-S-T, et la fumée smoke, S-M-O-K-E, comment dira-t-on la pièce est poussiéreuse et enfumée? The room is dusty and smoky. The room is dusty and smoky. D'accord. Et ici, on écrira smoky, S-M-O-K-Y.